Toujours en Corée du Sud, la solidarité pour la démocratie, la vie du peuple, la réunification pacifique et la souveraineté a lancé le 10 un appel sous le titre « Défendons la démocratie suivant l'esprit de Jeun » à l'occasion des 29 ans de la résistance de Jeun 1987. L'appel fait remarquer que beaucoup de gens ont lutté pour la démocratie en suivant son Kéon, mais la dictature rénovée est ressuscitée sur ce sol et la démocratisation est en crise et invite tous à s'engager dans la lutte pan-nationale pour la démocratie en gravant de nouveau dans le cœur l'esprit de la résistance de Jeun.